Monsieur Pierre de Georges de Père-Brune. Chaque année, le 18 mars, Monsieur Pierre, en blouse propre, la casquette neuve, un gros bouquet dans les mains, s'achemine vers le marais. Jadis, il accomplissait gaillardement cette promenade annuelle, le pas vif, le nez en l'air, la casquette sur la nuque, sifflotant et gouaillant à l'aventure. Maintenant, il trottine, part plus tôt, arrive plus tard, ne siffle plus, et ne donne plus du coude dans le corsage des commères bousculés à la hâte des rencontres sur le trottoir. Mais il s'en va néanmoins, toujours, comme il y a 30 ans, chaque année, le 18 mars, apporter son bouquet de fête à la bonne femme qui fut son amie, et rien de plus, depuis les beaux jours de leur jeunesse jusqu'à cette heure avancée de leur humble vie. Alexandrine a 60 ans, juste un an de moins que son ami Pierre. Elle sait bien qu'il n'oubliera pas son jour de fête, et elle part son logis, dresse le couvert, deux couverts, sur la nappe blanche, puis s'en va aux emplettes pour le déjeuner. Hé, madame Alexandrine, lui crie la concierge au retour, monsieur Pierre est déjà rendu, il est là-haut. Il est là-haut, en effet, monsieur Pierre. Il attend sur le palier, comme un amoureux qui fait sa déclaration derrière une porte, et il rit un peu rouge, toujours avec son gros bouquet dans les bras. On s'embrasse de ça, de là, sur chaque joue, comme il y a 30 ans, ni moins ni plus, et l'on s'attable. Alors voilà le sac aux souvenirs qui s'entrebâille, et il en sort, comme de la manche d'un magicien tombe l'interminable pluie des fleurs instantanées. Ils sont là, de toutes les couleurs, les souvenirs gais et les souvenirs tristes, ces derniers plus nombreux toujours, mais dont l'amertume s'efface ainsi que les teintes vives décroissent avec le temps. Leur amitié étant faite de ces souvenirs, il faut bien en égrener dévotement ensemble le chapelet, une fois l'an au moins, et l'on se souvient. C'était un soir d'hiver que l'on s'était connu. Pierre vendait du sable sur le bord de la Seine, mais le temps était dur, il gelait, la bâtisse ne marchait pas. La vieille mère qui nourrissait de son travail vint à manquer de pain. « Venez manger chez nous, » leur avait dit Alexandrine, « vous nous rendrez ça plus tard, il faut bien s'entraider, pas vrai ?» Elle travaillait, d'ailleurs, elle, pour faire vivre son mari infirme, un ivrogne qui s'était cassé la jambe en tombant. Elle avait une petite boutique de fruitière aux gros cailloux, par là. Lorsque la bâtisse reprit, M. Pierre se remit à l'ouvrage. Mais une grande tendresse était née entre tous ces pauvres gens. On s'aimait honnêtement, gaiement, sainement. Quand on avait bien trimé, on se laissait être heureux à la bonne façon des sages ménages d'ouvriers de Paris. On se réunissait à la fête des uns ou des autres. Un prétexte à quelqu'un de ces festins joliment préparés qui sont la gloire des coquettes ménagères parisiennes. Ce jour-là, on s'offre des mets bourgeois. Et la table est parée, blanche, reluisante, dans le logis tout frais ciré, brillant comme une glace. Et là-dedans, on chante, on rit, les femmes un peu précieuses, fières d'être attifées, les hommes recueillis avec cette pointe de sentiment que développe une légère griserie, et qui se traduira au dessert en romance langoureuse. Ce sont les bons jours, car il y a les autres. Ceux du chômage, de la mort de saison, des maladies, des billets impayés, des traites protestées, les promenades au Mont-de-Piété, toute cette terrible existence des pauvres gens qui vivent au jour le jour, d'un travail si facilement compromis et avec l'éternel souci du lendemain. Aussi, comme ils sont bons les moments de fête où l'on oublie, où l'on se leurre, où l'on feint de se laisser vivre comme si l'on était de bons bourgeois bien rentés. Mais lui, sans répondre, rangeait par terre ses tas d'herbes odorantes. C'est qu'il est trop vieux maintenant pour remuer le sable lourd et depuis déjà une dizaine d'années, il herborise. Il court la campagne, les parcs, les prés, les champs, les jardins, ramassant partout sa cueillette de simples, d'herbes aromatiques et pharmaceutiques qu'il s'en vient étaler 2 fois par semaine sur le trottoir de la rue de la Poterie. Elle embaume cette rue le matin, dans la fraîcheur et l'ombre. On y respire un air balsamique qui donne un bien-être exquis. Le mélilot avec ses grappilles de fleurs jaunes, la grisante odeur des foins coupés, le thym, la sauge, les lavandes, les menthes poivrées, mêlent leur parfum violent à la douce et poétique senteur des tilleuls à demi séchés. Mais des tas d'herbes sombres, fanées, alignées en petits paquets à 3 sous, monte la berthe odeur des vulnéraires, des pariétaires, de la grande, de la petite centaurée, des bourraches, de la rhubarbe à tiges rouges, du serpolet fleuri, de la ronce délicate, des pensées noires, de la germandrée vinicole, des mauves et du millepertuis doré par sa floraison. L'absinthe couvre d'une saveur amère la fade odeur des pavots, la creuté des fougères et la moisissure des moustintes. Rien que d'avoir traversé cette rue, on demeure imprégné de toutes les senteurs des bois, des forêts, des champs, avec, comme une criserie évocatrice, qui nous met dans les yeux des horizons verdoyants, des nappes de prairies claires et caressées par le vent, qui ramassent et vous jettent au visage des bouffées de parfums. Le marché se fait silencieusement dans la rue de la Poterie. Acheteurs et vendeurs sont calmes. C'est un petit coin à part, presque discret. Il y a déjà du recueillement de l'officine et du laboratoire dans cette antichambre médicinale. Cependant, un silence plus grand se fit tout à coup aux environs du carreau occupé par M. Pierre, lorsqu'on vit venir la petite vieille endimanchée avec son journal en grand cornet tout droit dans son bras. Et Pierre feignait de ne pas la voir, afin de se laisser faire la surprise. « Bonjour Pierre et bonne fête. Voici votre bouquet. C'est toujours autant de prix sur cet ennemi, la misère. » Si M. Pierre avait pieusement conservé, à travers les années, la coutume du bouquet offert le 18 mars à Madame Alexandrine, elle, de son côté, n'avait jamais oublié, chaque fois que revenait le 29 juin, jour de la Saint-Pierre, de s'en aller porter à son ami une gerbe de rose. Cela leur faisait ainsi de fêtes par an à Chaumet. Donc, il y a peu de jours, elle s'en vint aux Halles, comme d'habitude, de grand matin, avant 6 heures, parce qu'à cette heure-là, les fleurs se vendent sur le carreau et coûtent bien moins cher. De 5 à 8 heures, toute la flore de saison s'étale sur les trottoirs, dans de larges corbeilles, tout simplement. Et c'est là que les petits marchands ambulants viennent emplir leurs charrettes, qu'ils promènent ensuite par la ville, comme s'ils étaient payés par quelque gouvernement fastueux, pour disposer le long des rues le décor éblouissant des fleurs fraîches et remuer des encensoirs fumant du chaud parfum des lits, des œillets, des roses sous les fenêtres et les balcons des belles bourgeoises de Paris. Un peu lourde, un peu lente maintenant, mais très propre avec un tantinet d'élégance, elle s'en vient, la bonne amie de M. Pierre, dans la belle matinée brumeuse de cette fin de juin. Un joli vent frais balaye le ciel de tous ces petits nuages qui flottent comme un duvet encore mal essuyé autour du trône d'or où va monter le dieu soleil. Toutes les rues autour des Halles sont encombrées de charrettes, de camions, de jardinières attelées dont les chevaux, le nez dans leur musette, les secouent gravement ou les font sauter en l'air comme s'ils jouaient au bilboquet. Et les trottoirs sont couverts, à même le sol, de petites montagnes de légumes dont l'odeur forte nous donne la sensation d'une entrée subite dans quelque ferme, en plein champ. La foule des vendeurs et des acheteurs tourne là autour, court, crie, se bouscule, tandis que les montagnes vertes s'écroulent, s'éventrent, s'émiettent, se dispersent, car l'heure passe, l'heure presse, et il faut que dans quelques instants le carreau soit vide. Et toutes ces rues, toutes ces artères qui aboutissent au pavillon des Halles sont pleines, regorgent de cet approvisionnement monstre, de ces verdures tassées, nuancées de la blancheur et des tons roses, rouges et roux des carreaux en boutons et en bouquets comme des fleurs, des pigeonnions blancs à la pelure de soie, des pommes d'or longues, striées de leur terre brune. Au bout de l'allée des fruits, toute rouge, vermeille, éclatante, car dans les fruits de cette saison coule toute la pourpre des jus parfumés, commence l'allée des fleurs, après le bouton des fraises, celui des roses, après la grappe en clochette des groseilles transparentes, la longue théorie des lys dressée entre des corbeilles de pensées noires comme des bouquets de deuil, et des touffes délicates de gypsophiles tachées du sang des coquelicots en pleine floraison. Ce ne sont pas là encore des bouquets, ce sont des bottes, des gerbes, des tas, des meules de fleurs coupées, ligotées d'osier comme des gerbes vulgaires. Cela s'achète au paquet, à la brassée. Cela deviendra plus tard, dans une heure ou deux, de délicates choses, éparpillées, mêlées et assorties, qui s'épanouiront à la devanture des fleuristes, dans des bibelots d'art, dans des joncs dorés, et aussi dans les petites voitures des marchandes qui vaguent par les rues en tournant sans cesse dans leurs doigts exercés un brin de rose avec un brin d'œillet, une feuille et un bout de fil pour 2 sous. La bonne amie de Pierre, après avoir longtemps rôdé, rêveusement attardée, avec le recommencement de ses souvenirs dans cette promenade familière, s'est enfin décidée pour un paquet de boutons mousseux, très délicats. Elle l'enveloppe proprement dans un journal. Et la voilà qui redescend la rue des Halles, louvoyant à travers les camions et l'équipe des chargeurs en bonnet rouge qui les remplissent, en courant de lourds paniers fermés. Elle s'arrête maintenant à l'entrée de la rue de la Poterie et regarde loin, vers l'autre bout. Puis elle repart. Monsieur Pierre est bien à son poste. Et lui aussi l'a perçu venir. Et aussi tous les marchands herboristes du carreau qui occupent les deux trottoirs de la rue. Depuis le matin, ils disaient tous à Monsieur Pierre « Elle ne vient donc point cette année-ci, votre bonne amie avec son bouquet de fête ?»« Tiens, Mame Alexandrine, c'est donc vous ?» Aussi, je me disais, et il l'embrasse sur une joue. « Ça fait aujourd'hui 30 ans, pas vrai, Pierre ? » dit-elle. Mais lui, l'embrassant sur l'autre joue, « 31, Madame Alexandrine, 31, faut pas tricher. Et ça va toujours ? Comme vous voyez, Monsieur Pierre ?» Tous les gens de la rue de la Poterie, sans rien dire, tendaient le cou pour regarder les deux vieux qui venaient de s'embrasser. C'était Monsieur Pierre, de Georges de Perbrune.